بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Juste avant de commencer, inshallah, le premier cours sur l'innovation de Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, il n'y a pas une demi-heure que je viens de recevoir un message que le Cheikh Faleh Hamoun Dakar, qui a été contaminé par le Covid et actuellement entré donc dans la phase où est-ce qu'ils lui ont mis en fait les respirateurs afin de lui faciliter la respiration, en fait la ventilation. Donc dans cette phase là on invoque Allah Azza wa Jalla an yashfi wa ya'fi, qu'Allah le guérisse et lui facilite cette épreuve. Wallahu musta'al, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Donc il faut inchallah barakallahu fikum penser à lui dans les invocations, invoquer Allah Azza wa Jal afin qu'il lui facilite et qu'il le guérisse. Rappelez-vous de lui, inshallah, lorsque vous êtes en sujoud. Barakallahu fikum wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Donc concernant l'innovation, al-bid'a, donc qui est le livre qu'a écrit le Cheikh Salah Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, ta'rifaha anwa'uha ahkamuha. تعريفها أنواعها أحكامها. Donc c'est sur l'innovation, sa définition, ses catégories et son jugement. Et comme vous aurez constaté, c'est que les traductions en fait que je fais des différents livres des méchères, cela concerne vraiment les bases essentielles que tout musulman et musulmane se doivent de maîtriser et se doivent de comprendre. Car étant donné que l'on ne connaît une chose que si l'on connaît ce qui l'oppose, et qu'on ne peut prétendre être sur la sunna et suivre les gens de la sunna et suivre la voie des gens de la sunna que si l'on connaît et comprend ce qu'est l'innovation et les gens de l'innovation. Donc ça, je le rappelle tout le temps, mais il faut tout le temps avoir ça en tête, c'est qu'on ne connaît une chose que lorsqu'on en connaît ce qui l'oppose. Et pourquoi c'est important en fait de comprendre dans le détail l'innovation? Dans les différents cours, vous pourrez voir qu'effectivement on a insisté sur comprendre le tawhid dans le détail avec les différentes catégories, mais également comprendre ce qu'est le shirk dans le détail, l'associationnisme à Allah dans le détail et les différentes catégories, ce que ça implique, etc. Eh bien, comme on comprend le tawhid, on doit comprendre ce qu'est le shirk. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on connaît le tawhid si on ignore ce qu'est le shirk. Et quel type de shirk invalide l'islam de l'individu. D'accord ? Etc. Eh bien, c'est de même pour l'innovation. On ne peut prétendre être sur la sunna et suivre la voie des gens de la sunna que si l'on connaît et comprend ce qu'est l'innovation et les gens d'innovation. Donc il incombe donc à tout musulman et musulmane, pour l'aider à concrétiser son attachement à la sunna, de connaître la réalité de l'innovation ainsi que la voie des innovateurs et leurs ambiguïtés, car quiconque connaîtra et comprendra ce qu'est l'innovation, eh bien cela l'aidera, inshallah, à concrétiser le suivi de la sunna et prendre ainsi garde de tomber dans l'innovation religieuse qui oppose la sunna. Et tout ceci dans le cadre de ce que dit le poète, j'ai connu le mal non pas pour le commettre, mais pour m'en préserver, car quiconque ne peut distinguer le mal du bien, y sera précipité. Donc, je fais cette petite introduction-là pour vous montrer l'orientation, en fait. Et ensuite, vous allez voir les détails de ce que le savant Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhullah a expliqué sur cela. Il faut savoir que les prêcheurs à l'égarement, ils sont nombreux. La banalisation de leurs vidéos, écrits et audio sur le net, s'est multipliée. Et en plus de cela, ils ne s'arrêtent pas que là. C'est qu'ils utilisent des ambiguïtés pour tromper les musulmans dans leur compréhension de ce qu'est l'innovation religieuse. Ils expliquent des textes et des règles selon leur ignorance, tout en œuvrant à éloigner les musulmans des grands savants de la sunna, afin de les contenir sur leur emprise. Mais nombreux sont ceux qui ignorent le fait que l'on ne connaît pas la vérité en suivant les hommes, mais c'est plutôt en connaissant la vérité que l'on reconnaîtra quels sont les hommes qui se tiennent dessus. Et comme l'a dit Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, celui qui ne connaît pas le mal est susceptible d'en être atteint. Il m'est arrivé à répondre, il y a une dizaine d'années de cela, à un site qui s'appelle Doctrine Malikite. Je le dis explicitement, c'est après qu'il considère ça comme de la pub ou pas, mais pour que vous, si vous tombez sur ce site-là, vous faites attention de ne pas rentrer dans ce site-là, car c'est un site qui est tenu par des ignorants, qui ignorent qu'ils sont ignorants, et en plus ils font des fatwas aux gens. Subhanallah, ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et il y a beaucoup d'ignorants qui se réfèrent à cela pour essayer d'avoir une fatwa à la carte. D'accord ? Et donc il faut craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit, car en allant sur leur site, j'ai pu voir différents égarements qu'ils faisaient, j'ai pu voir qu'ils mentaient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont osé modifier une chaîne de transmission, ils ont pris une chaîne de transmission d'un hadith qui était inventé, et ils l'ont collé à un matin, à un agencement de mots du hadith qui était dans Sahih al-Bukhari, et ils ont dit que ce hadith-là est dans Sahih al-Bukhari. Donc vous voyez comment ils trompent. Ce sont des gens qui trompent la communauté. Je ne sais pas c'est quoi leur but exactement. Est-ce qu'ils craignent Allah Azza wa Jal comme il se doit? Donc ces individus-là qui se disent doctrine malikite, mais comme vous comprendrez, hein, c'est que l'imam Malik, rahimahullah, est innocent des innovateurs et des égarés qui prétendent suivre sa voie. Ils prétendent mentionner malikite, histoire de... C'est une stratégie en fait pour tromper les musulmans afin de légitimer leur égarement évident et leurs innovations religieuses. Ces individus-là, ce qu'on peut lire sur leur site, c'est qu'ils vont utiliser une règle qui vont la faire à leur manière et ils vont expliquer des choses concernant l'innovation à leur manière. Ils disent, je cite, « Beaucoup de musulmans croient à tort que toute nouvelle chose est forcément une innovation interdite et un égarement, même s'il s'agit de choses utiles pour la communauté. Ils se basent pour dire cela sur le hadith célèbre « Faites attention aux choses nouvelles, car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. » Ils disent ensuite, « À propos de ce hadith, nous pouvons remarquer plusieurs choses. » Les savants ont dit que cette parole ne fait pas référence à l'ensemble des choses nouvelles sans restriction. L'expression « toute innovation » n'est pas à prendre dans un sens absolu. Fin de citation. Ils disent « l'expression « toute innovation » n'est pas à prendre dans un sens absolu. » Subhanallah. Et c'est de même, il y a un autre individu qui est content de déclarer qu'il est Ash'ari, donc qui n'est pas sur la croyance sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahabas, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un ash'ari et les sahabas n'étaient pas des ash'ari. Donc cet individu-là qui s'appelle Mohammed Bajrafil, qui, entre parenthèses, donne son allégeance à la République, etc., comme il l'a dit dans son livre, lui se moque de cela en disant, oui, ils disent partout, ça c'est bédah, ça c'est bédah, ça c'est bédah. Ils disent, oh mais non, c'est pas le tout qui inclut tout. Regardez le jehl où ce que ça mène. Et voyez pourquoi je vous ai dit que ces individus-là font fuir les gens des savants. Ils dénigrent les savants, ils les rabaissent pour que les gens, les ignorants se tournent vers eux, vers ces ignorants-là et vers ces égareurs. Pourquoi ils ne disent pas, retournez aux savants, attendez, je vais questionner les mashayikhs, je vais revenir vers vous une fois que j'aurai une réponse des mashayikhs, etc. Non. Ils veulent tourner les gens vers eux. Donc, il dit, ce n'est pas le tout qui inclut le tout. Et eux, ils disent, l'expression toute innovation n'est pas à prendre dans un sens absolu. Donc, on leur dit, alors que cette explication-là n'est basée sur aucune preuve, hein, on leur dit, si vous prétendez que toute innovation n'est pas à prendre dans un sens absolu, alors nous vous ordonnons de faire de même dans la suite du hadith. Tout égarement mène à l'enfer. Osez donc dire, selon la médiocrité de vos propos et votre ignorance manifeste des textes, que tout égarement mène à l'enfer n'est pas à prendre dans un sens absolu. Et donc, certains égarements mèneront au paradis, c'est cela, subhanallah. Nous recherchons refuge auprès d'Allah contre l'égarement et l'ignorance manifeste. Ça, ce sont quelques exemples de ce que les innovateurs font. Mais le problème, c'est que beaucoup de musulmans tombent dans le panneau en ayant de l'affection envers des égareurs et qui ne connaissent pas les savants. C'est pour cela que par le biais de ces traductions-là, on vous dit, voilà qui sont les savants. Voilà qui sont les savants. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, qu'Allah le préserve, est membre du comité des grands savants et membre du comité permanent de la fatwa. Donc là, c'est pas n'importe qui. D'accord ? Barakallahu fikum. Alors, nous allons commencer la lecture du livre de Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhullah, concernant donc l'innovation, sa définition, ses catégories et son jugement. Et d'ailleurs, dans ce livre, le Cheikh répond aux différents points qui ont touché les égarés. Al-Muqaddima, l'introduction. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Amarana Billittiba' ونهانا عن الابتداع وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بعثه الله ليقتدى به ويطاع وعلى آله وأصحابه وسائر الأتباع Louange à Allah le Seigneur des mondes qui nous a ordonné le suivi et nous a interdit l'innovation et que les éloges d'Allah et son salut soient sur notre prophète Muhammad dont Allah a envoyé afin qu'il soit suivi et obéi ainsi que sur toute sa famille sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront. Par ce qui suit. وبعد فهذه فصول في بيان انواع البدع والنهي عنها اقتضاء كتابتها واجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Par ce qui suit, ceux-ci sont des chapitres sur la clarification des catégories d'innovation et l'interdiction les concernant. Le but de son écriture étant l'obligation de la sincérité dans le conseil en Allah, son livre, son envoyé, aux dirigeants des musulmans et à l'ensemble des musulmans. Donc nous allons commencer le chapitre 1. Al-fasl al-awwal, ta'rif al-bid'a, anwa'uha wa ahkamuha. Donc le chapitre 1, c'est la définition de l'innovation, ses catégories et son jugement. Ta'rifuha, sa définition. Al-bid'a fi al-lugha ma'khudha min al-bid'a. وهو الاختراع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعها على غير مثال سابق L'innovation, bid'a en arabe, linguistiquement, vous voyez la méthodologie des savants, des mashayikhs. il nous donne la définition linguistiquement et ensuite on passera ce que cela implique dans le shara, dans la législation. L'innovation bid'a linguistiquement a pour racine bid'a, qui correspond au fait d'inventer sans aucun précédent. Et parmi sa parole d'Allah, le Très-Haut, dans la traduction du sens, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. C'est-à-dire qu'il les a inventés sur aucun exemple précédent. وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل. Et sa parole d'Allah, le Très-Haut, dans la traduction du sens, dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. » C'est-à-dire que je ne suis pas le premier qui soit venu avec le message d'Allah aux gens, mais m'a devancé beaucoup parmi les envoyés d'Allah. وَيُقَالْ اِبْتَدَعَ فُلَانْ بِدْعَ يَعْنِي اِبْتَدَى تَرِيقَ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا. Et il est dit, un tel a innové une innovation, c'est-à-dire qu'il a commencé une voie dont personne ne l'a précédé dans cela. D'accord ? وَلِبْتِدَعَ عَلَى قِسْمَيْنِ. Et le fait d'innover est de deux sortes. اِبْتِدَعَ فِي الْعَادَاتِ كَيْبْتِدَعَ الْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةِ. وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة. Innover dans les actes, yani on va dire mondains habituels, tels que le fait d'innover dans les inventions mondaines, technologiques et autres types de fabrication et inventions, ceci est permis car l'origine dans les actes profanes, mondains, technologiques, c'est la licéité, ça veut dire la permission. وَابْتِدَاعَ فِي الدِّينِ وَهَذَا مُحَرَّمٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّوْقِيفِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Donc on a vu l'innovation dans les actes profanes, dans les choses mondaines. C'est donc l'origine dans les actes profanes et mondains et technologiques, c'est la licéité, la permission. Maintenant, innover dans la religion, et ceci est interdit, car l'origine dans cela est l'abstention. L'abstention, t'es pas permis de faire un acte d'adoration, excepté si tu as une preuve. Tu peux pas adorer Allah Azza wa Jal comme tu veux, hein. Tu peux pas te dire bon, moi je pense, moi c'est que et subhanallah, et ce sont des musulmans qui tiennent ces propos. Hein. Moi on me l'avait dit, subhanallah, yani dans une mosquée. Moi je pense que chacun peut adorer Allah comme il le sent. Subhanallah. Pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé les envoyés? Pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit sallu kama ra'aytumuni yusalli, priez comme vous m'avez prié? Subhanallah. Donc innover dans la religion, et ceci est interdit, car l'origine dans cela est l'abstention. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie se le verra rejeté. Khiziyad Allah ibarik fik, s'il y a le moindre problème de son, inchallah tu me le dis hein, sur Telegram, barakallahu fik. Donc, innover dans la religion, et ceci est interdit, car l'origine dans cela est l'abstention. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, se le verra rejeté. Sahih Bukhari et Muslim. Et dans une version, Sahih Muslim, quiconque fait une œuvre qui n'est pas conforme à notre ordre, se le verra rejeté. أنواع البدع، les catégories d'innovation. Raklofik. Les catégories d'innovation. Parce que vous voyez en arabe, el bida, c'est au pluriel, sont les innovations. Et el bida, c'est au singulier, l'innovation. Donc, anwa' al-bid'a, les catégories d'innovation. Al-bid'a fi d-din, naw'an. Al-naw' al-awwal, bid'a qawliya, i'tiqadiya, comme qallat al-jahmiya, wal-mu'tazila, wal-rafida, wa sa'ir al-firaq al-dalla, wa i'tiqadatihim. Donc, l'innovation dans la religion est de deux types. Tout d'abord, la première catégorie, l'innovation dans la parole et la croyance, tels que les propos des Jahmiya, des Mu'tazila, de la Rafida, ainsi que tous les groupes égarés et leurs croyances. Alors, juste entre parenthèses, Jahmiya, ce nom est pris de celui qui a formé cette secte, c'est Jahm ibn Safwan, et leur égarement par rapport aux noms et attributs d'Allah, ils disent qu'Allah n'a aucun nom et aucun attribut, c'est-à-dire qu'ils tombent dans une négation totale. Ils croient qu'Allah est une simple entité dénuée de tout nom et de tout attribut. C'est la secte la plus égarée concernant ce sujet. La plupart des savants, parmi les prédécesseurs, les ont jugés comme étant des mécréants, car ils démentent ce qui est explicite dans le Qur'an et la Sunna. Ça, c'est concernant Al-Jahmiya. Les Mu'tazila, eux, c'est une secte dont les fondateurs sont Amr ibn Ubayd et Wasil ibn Atta. Et Mu'tazila, pourquoi ? Car ils ont fait scission, en fait. Ils ont fait l'i'tizal, c'est la scission. Ils ont fait scission et ils se sont isolés d'avec les gens qui se sont réunis sur la sunna. Ils ont fait scission d'avec les gens qui se sont réunis sur la sunna. Et ils se mirent à rejeter les attributs d'Allah et lui ont octroyé des noms dépourvus de qualificatifs. Ils sont d'accord avec les Khawarij, en fait, sur le statut de celui qui commet des péchés majeurs qui les rend en enfer pour l'éternité. Ça, c'est l'aqida des Khawarij et des Mu'tazila. Mais ils ont divergé sur leurs conditions dans ce monde en disant qu'ils se situent entre les deux. C'est-à-dire il n'est ni croyant ni mécréant. Subhanallah. Alors que les Khawarij disent qu'il est mécréant. Par exemple, ils disent, dans leur égarement, ils disent qu'Allah est voyant sans posséder la vue, qu'il est entendant qu'il est l'entendant sans posséder l'attribut de lui de l'audition. Yani, vous voyez, ça, ce sont les égarements de la secte des Mu'tazila. Et les Rafida, ce sont en fait des extrémistes chiites, les Rawafid qui ont des égarements évidents, ce sont des mécréants, ce sont des kuffars. Les Rawafid, ils viennent avec des propos qui ne croient pas au Coran que l'on a. Ils disent qu'il y a un Coran de Fatima qui est trois fois plus volumineux que le Coran que l'on a, et le Coran que l'on a ne contient ne serait-ce une seule lettre du Coran un seul mot du Coran de Fatima. Donc ça, c'est leur propos. Ils considèrent aussi que Omar ibn Khattab radiallahu anhu est au plus bas niveau de l'enfer, au-dessus de lui il y a Abu Bakr al-Siddiq et au-dessus de lui il y a Shaitan. Ça, c'est leur croyance corrompue, ces individus-là, des Rawafid. Et puis, ils célèbrent l'anniversaire de la mort de Aïcha radhiyallahu anha, ils prennent un kabsh, un mouton, ils dessinent avec, ils écrivent en fait avec de la peinture sur la fourrure, sur la laine du mouton, ils écrivent Aïcha en arabe. Et alors que le mouton est vivant, hein, ils viennent tous et ils se mettent à arracher la laine du mouton pour faire souffrir le mouton, car ils considèrent qu'ils font souffrir Aïcha. Donc ces individus, c'est des kuffars, les Rawafid. Et on le dit de cette façon-là, en général, donc on dit les Rawafid sont des kuffars. D'accord ? Maintenant, dans les cas précis, les suiveurs qui sont ignorants, qui suivent leur imam, qui sont des kuffars, il faut voir la shubha à lever à ces ignorants suiveurs, etc. Mais les Rawafid, donc on dit en général, les Rawafid, ce sont des kuffars. D'accord ? Donc ce que dit, donc je ferme la parenthèse, concernant la clarification de ces différentes sectes. Donc, le Sheikh Salah al-Fawzan, hafidhullah, dit, alors les catégories bid'a, la première catégorie, l'innovation dans la parole et la croyance, telles que les propos des Jahmiya, des Mu'tazila et des Rawafid, de la Rafida, ainsi que tous les groupes égarés et leurs croyances. Alors, النوع الثاني بدعة في العبادات. Donc vous voyez la première catégorie, l'innovation dans la parole et la croyance. Deuxième catégorie, la seconde catégorie, l'innovation dans les actes d'adoration. Ok, là on distingue bien l'innovation dans la première catégorie, l'innovation dans la parole et la croyance. Deuxième catégorie, l'innovation dans les actes d'adoration. النوع الثاني بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها وهي أنواع. Donc la seconde catégorie c'est l'innovation dans les actes d'adoration tels qu'adorer Allah avec des actes d'adoration qu'il n'a pas légiféré et elle est de plusieurs types. النوع الأول ما يكون في أصل العبادة. Le premier type concernant cette seconde catégorie qui touche les actes d'adoration. Première catégorie, l'innovation dans la parole et la croyance. Seconde catégorie, l'innovation dans les actes d'adoration. Donc, et là, dans cela, il y a plusieurs types. النوع الأول ما يكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صيام غير مشروع أو أعياد غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها. Donc il dit, le premier type, dans cette deuxième catégorie qui concerne les innovations dans les actes d'adoration, il dit le premier type, ce qui touche à l'origine de l'adoration, dans le sens où il invente un acte d'adoration qui n'a aucune origine, c'est-à-dire aucune source, aucune preuve dans la législation. Tel qu'il invente une prière, qui n'est pas légiféré, ou un jeûne qui n'est pas légiféré, ou des fêtes qui ne sont pas légiférées, comme la fête des naissances et autres. Donc le deuxième type dans cette seconde catégorie, tout ce qui touche les actes d'adoration, les innovations dans les actes d'adoration, على العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. Donc le premier type, on a vu dans les actes d'adoration, les innovations, se faire un acte innové qui n'a aucune source, aucune preuve, d'accord, il l'a ramené de sa poche, d'accord. Le deuxième type, ce qui touche à l'ajout dans l'acte d'adoration qui est légiféré. Il y a un acte d'adoration qui est légiféré et quelqu'un va rajouter quelque chose à cet acte d'adoration qui en lui-même est légiféré. Tel que s'il rajoute une cinquième raka, d'accord, dans la prière du dhuhr ou du asr par exemple. Donc juste pour rappel, entre parenthèses, la raka c'est une inclinaison et deux prosternations. Une inclinaison et deux prosternations. Donc dans le cas où est-ce que par exemple une personne fait la salette et a oublié de faire une prosternation, il se rappelle lorsqu'il s'est levé qu'il a oublié de faire une prosternation, au lieu d'en faire deux, il n'en a fait qu'une seule. Lorsqu'il s'est levé, il s'en est rappelé, alors il recommence cette raka'a-là en considérant que la raka'a précédente est invalide. Il termine la salat, il fait le taslim et ensuite il fait deux sujoud sehwi après le taslim. Et ensuite il refait le taslim, d'accord? Parce qu'une raka c'est une inclinaison et deux prosternations. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, le deuxième type concernant l'innovation dans les actes d'adoration, on a vu le premier type c'est lorsque quelqu'un fait une innovation d'un acte d'adoration qui l'invente, il n'a aucune source, il l'a inventé de sa poche, d'accord, aucune preuve dans la législation. Le deuxième type, c'est que l'acte d'adoration est légiféré. Cependant, l'individu, il va faire un rajout dans cela. Il va, par exemple, rajouter une cinquième raka dans la prière du dhuhr et du asr. Par exemple, il va croire, par exemple, oh, je pense que c'est mieux. Yani, ok. Donc ça, c'est une innovation qui touche à l'ajout dans l'acte d'adoration. D'accord ? Donc là, on voit le troisième type. النوع الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le troisième type, c'est ce qui porte sur la manière de faire l'acte d'adoration. Donc premier type, il n'y a aucune preuve. Il ramène un acte d'adoration inventé sans aucune preuve. Dans le deuxième type, l'acte d'adoration est légiféré. Cependant, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va rajouter quelque chose dans cet acte-là. Le troisième type, là, c'est sur la manière. La manière de faire l'acte d'adoration. D'accord ? Ce qui porte sur la manière de faire l'acte d'adoration, c'est-à-dire que l'individu fait un acte d'adoration d'une manière non légiférée, telle que réciter les invocations légiférées. Il y a des invocations qui sont légiférées, mais comment il va le faire ? Au lieu de le faire, bien, dans la législation, c'est de le faire chacun tout seul, eh bien, eux, ils vont changer cette manière-là et ils vont la faire en groupe. Donc, tel que réciter les invocations légiférées, mais en groupe et de façon mélodieuse. Tel que faire des œuvres excessives sur soi au point de sortir de la sunna de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. النوع الرابع, le quatrième type, ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصها الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. Le quatrième type maintenant, dans les innovations dans les actes d'adoration, ce qui porte sur le fait de spécifier un temps pour un acte d'adoration qui lui-même est légiféré, mais dont la législation n'a pas spécifié le temps que l'individu veut spécifier. D'accord ? Là, ça porte sur vouloir spécifier un temps pour lequel il n'y a rien dans la sharia, dans la législation, qui prouve une telle spécification. D'accord ? Tel que spécifier le jour de la moitié du mois de Sha'ban et sa nuit pour le jeûne et les prières nocturnes. L'origine du jeûne et des prières nocturnes sont légiférées. Cependant, spécifier un temps précis nécessite une preuve. Ça veut dire que s'il dit, eh bien, je pense que c'est bien à la moitié de Sha'ban de jeûner. Donc jeûner, c'est légiféré le jeûne, d'accord ? Prier, c'est légiféré la prière. D'accord ? Prière nocturne, c'est légiféré. Mais maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est qu'il veut, il se dit qu'on est à la moitié de Sha'ban, j'ai envie de jeûner et prier parce qu'on est à la moitié de Sha'ban. D'accord ? C'est ça, ça nie. Donc là, il a spécifié un temps, donc il a innové en fait, d'accord ? Il a innové un acte d'adoration qui est légiféré. Le jeûne, c'est légiféré, la prière, c'est légiféré, mais il va les spécifier à un temps pour lequel il n'y a rien. La législation n'a pas spécifié ce temps-là, d'accord, pour jeûner et puis pour prier. حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها. Le jugement de l'innovation religieuse sous toutes ses formes. كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة. لقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وكمقلات غلاة الجهمية والمعتزلة ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية، ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. Donc on va terminer sur ce point-là, Inch'Allah, de, concernant pour aujourd'hui, hein, et on continuera demain, Inch'Allah, à la même heure, à 20h, Inch'Allah, heure française. Donc le jugement de l'innovation religieuse sous toutes ses formes. Donc le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhullah, a écrit « Toute innovation religieuse est illicite, et c'est un égarement. De par sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, et prenez garde aux choses nouvellement inventées en religion. » Car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie se le verra rejeté. Et dans une version, quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre se la verra rejeté. Il dit ensuite le Cheikh Hafidhullah, le hadith prouve donc que toute invention dans la religion est une innovation, et que toute innovation est un égarement rejeté, et le sens de cela est que l'innovation dans les actes d'adoration et les croyances sont illicites, interdites. Mais l'interdiction diffère en fonction du type de l'innovation, car il y en a qui est une mécréance claire, telle que tourner autour des tombes afin de se rapprocher à leur demeurant, leur présentant des sacrifices et des vœux, invoquer ses morts et leur demandant secours, telles que les paroles des extrémistes des Jahmiya, qu'on a déjà vu, et les Mu'tazila. D'autres types d'innovations, par contre, elles, sont un moyen menant à l'associationnisme au shirk. Donc il y a des types qui, elles, sont une mécréance claire, d'autres types d'innovations sont un moyen menant à l'associationnisme au shirk, telles que la construction d'édifices au-dessus des tombes et la prière et l'invocation dans ces endroits. D'autres types d'innovations étant un égarement dans la croyance, telles que l'innovation des Khawarij, la Qadariya et les Murji'a dans leurs paroles, leurs croyances, opposant les preuves légiférées. Donc les Khawarij, hein, ce sont ceux qui ne sont pas attachés à la sunna et au groupe, ils n'obéissent pas aux dirigeants, estiment que s'insurger contre lui fait partie de la religion et que la rébellion aussi. Donc c'est tout le contraire de ce qu'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, la Qadariya, ce sont ceux qui rejettent le destin, qui disent que tout ce qui se produit dans le monde n'est pas décidé ni décrété par Allah, subhanahu wa ta'ala, mais résulte des actes des serviteurs sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait prédestiné auparavant. Ils ont donc ainsi rejeté un des piliers de la foi, qui sont au total de 6, hein, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et la foi dans le destin bien ou mauvais, mais provenant d'Allah. Alors les Murji'a, ce sont ceux qui n'incluent pas donc les œuvres dans la foi. Donc, il explique ici le Cheikh, pour terminer, barakallahu fikum. Donc, il y a le jugement, c'est quoi d'innovation? C'est que c'est illicite et c'est un égarement, c'est haram, c'est interdit, d'accord? Dû aux différentes preuves mentionnées dans les hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, d'accord? Quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre se le verra rejeté, par exemple dans le hadith de Sahih Muslim. Et il explique le Cheikh que les hadiths prouvent que toute invention dans la religion est une innovation et que toute innovation est un égarement qui est rejeté. D'accord ? C'est rejeté. Et puis, il montre ici qu'il y a différents types, il y a différents degrés. Il y a des innovations qui vont mener à une mécréance claire. D'accord ? D'autres types d'innovations, c'est un moyen qui va mener au shirk, l'associationnisme. D'autres types d'innovations, c'est un égarement dans la croyance, d'accord, tel que l'innovation des Khawarij. Qui et pourquoi, en fait, les Khawarij, dans leur aqid, ils considèrent que celui qui commet un péché majeur, donc il meurt, Et celui qui commet un péché majeur, et lorsqu'il meurt et qu'il a commis ce péché majeur-là, eh bien, il considère qu'il est en enfer pour l'éternité. D'accord ? Eux, la Qadiriyya, eux, ils ont fait aussi leur innovation dans la croyance en considérant que Allah, Azza wa Jal, d'accord, n'a pas décidé ni décrété ce qui se déroule dans le monde. Subhanallah. Vous voyez les types d'innovations, a'oudhu billah. Ensuite, le shir, il dit, d'autres innovations sont de type de désobéissance, telles que refuser de se marier, jeûner debout en plein soleil, et la castration dans le but d'éradiquer toute envie sexuelle. Sallallahu alayhi wa sallam wa l'afiyah. On est où les gens en sont arrivés. Donc on va s'arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. Et on va continuer donc la suite demain, inshallah, à la même heure, 20h, heure française. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.